Mais tu as une difficulté à t'entendre avec ta femme ou avec ton mari ou avec tes enfants, ou tu as ceci, cela, cela. Je connais des gens d'affaires qui font beaucoup d'argent, mais ça leur coûte cher parce qu'il leur arrive des choses qui ne vous arriveront jamais. Mais ils sont surcomblés et ils ne peuvent pas arrêter. Il y a des gens qui finissent par amasser suffisamment d'argent en banque, j'en connais, qui ont en masse d'argent, pour que juste les intérêts les fassent vivre. Et la personne, elle va me dire, « Oui, mais écoute, je ne suis pas pour prendre ma retraite à 34 ans. » Mais non, je comprends. Sauf que maintenant, tu as l'argent et le temps, arrête, décolle et observe maintenant ce que tu as besoin de faire. Et là, ça va être peut-être subitement d'écrire ou de devenir conférencier dans les entreprises. Mais il a carrément changé de vecteur de vie. Parce qu'il a pris l'ascenseur qui l'amène au 15e étage, elle ne va pas plus haut. Et là, il débarque, il prend l'ascenseur du 15e qui monte au 30e étage et continue à avancer. Mais s'il veut se surcombler, donc si c'est un désir, il va essayer de continuer à monter avec l'ascenseur qui va au 15e et il déstabilise toute sa mécanique. Okay. Ça semble très important de faire la différence entre les besoins et les désirs. comment on fait pour dire, ben, ça c'est j'ai tel et tel et tel besoin? Parce que c'est pas évident de pour pas mélanger les deux. Là, comment on peut vraiment définir qu'un c'est un besoin puis que ça ne devienne pas un désir? Bon. C'est pas le sujet de la conférence, je comprends que c'est très pertinent comme question, mais c'est parce que ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Je vais faire un petit résumé. Vous pressez, non? Un petit résumé. Je vais faire un petit résumé frustrant. Ah oui. Non, mais premièrement, il y a une démarche, il y a un cours qu'on est en train de mettre sur pied pour pouvoir permettre aux gens de définir effectivement leurs besoins, de définir les seuils de saturation des besoins, et de définir par la suite tous les outils qui existent dans notre société pour permettre aux gens de combler les besoins et qui va permettre aussi aux gens d'établir un ordre de priorité au niveau des besoins. Pour dire, je commence par combler ça, ensuite ceci, et non pas ça, puis ça, puis ça avant, puis aller n'importe comment, et avec les outils qui existent. Ça peut être à un moment donné un emploi, ça peut être un cours dans un collège, ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être de l'amitié, commence par jouer, combler tel besoin. Bon. Alors, donc, il y a des structures, mais ce que l'humain doit faire au départ, donc je fais un résumé bref, c'est d'être capable de se faire un organigramme de son plan de vie. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des questions pertinentes qu'on doit se poser qui vont permettre d'établir, selon votre vision actuellement, quelle est la chose la plus importante que vous aimeriez être. Bon. Mais c'est alors pas, ça, c'est un but. C'est pas si à côté du sujet, ça, parce que pour être capable d'améliorer sa... côté, c'est que c'est très long à expliquer, puis la question est bonne. C'est pas une question d'à côté. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on va devoir faire une analyse pour établir des sous-buts. Et par la suite, on va poursuivre le travail comme ça. Et là, en faisant le travail, on va découvrir que, ici, il y a un but qui était placé là, tu vois, il devrait être placé ici, puis on va finir par comprendre qu'il était vu en mode désir. Et au fur et à mesure qu'on pose les bonnes questions puis qu'on vient descendre notre arbre, on va éliminer des choses puis on va être capable de découvrir les seuils de saturation des besoins qui sont tous différents pour toutes les personnes. Et une fois qu'on a fait ça, bien là maintenant on va replacer en ordre l'organigramme pour ensuite pouvoir dire, bien voici les étapes selon moi actuellement. Et la première étape ici, bien qu'est-ce qui existe dans ma société pour pouvoir combler ce besoin ou ces besoins-là, ça peut être aussi un groupe de besoins. Et là, il y a donc des banques d'outils qui existent. Puis évidemment, les personnes ont leurs propres expériences, leurs propres canaux de connaissances pour en trouver d'autres. Et là, on va dire, bien, je commence par ça, par ça, par ça, par ça. Un peu comme quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais devenir ingénieur. C'est parfait. Mais il existe tout un cheminement à suivre pour parvenir à ça. Et il y a un ordre dans le cheminement. Au niveau de sa vie, on peut faire la même chose. Et l'être humain, la personne qui travaille avec l'arbre, si son but principal était un désir, en faisant le reste au complet et en posant des questions de base qui sont pertinentes, elle va être obligée de changer, de se rendre compte que finalement, non, c'est pas ça, que ça va à l'encontre de ce que je viens de dire là, puis que fondamentalement, finalement, c'est plus ceci que j'ai besoin. Donc, il y a une façon d'arriver à sélectionner entre les désirs et les buts. OK. Il y a la qualité de vie à ce moment-là, de la façon dont tu le décris là, c'est pas juste une différence de potentiel, c'est-à-dire avoir plus de choses ou être mieux, mais c'est vraiment, il y a vraiment justement des choses précises qu'on doit avoir. Puis à partir de là, ta qualité de vie, elle change. Qu'est-ce qu'une personne là, qui, bon, moi, par exemple, mes besoins fondamentaux seraient comblés, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Bon. Pour que ça change quelque chose, il manque un ingrédient dans la recette. Il y a un mot important à comprendre, à en voir la valeur et à être capable de contrôler, d'appliquer. Le mot s'appelle appréciation. Mm-hmm. Es-tu capable d'apprécier? Apprécier, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas juste dire être capable d'aimer. Hein? Ça veut aussi dire être capable de jauger, de juger de la teneur d'une chose. Être capable d'apprécier une chose. Alors, apprécier, c'est beaucoup plus que juste aimer. Ça veut dire être capable d'évaluer. Vous devez être capable d'apprécier les choses. Par exemple, ce soir, vous assistez à une conférence. Êtes-vous capable d'apprécier la conférence? Et pas dans le sens aimer la conférence, être capable de l'apprécier, donc de la jauger. Si vous êtes capable d'apprécier votre vie, vous allez être capable d'établir des valeurs. Apprécier, un exemple d'appréciation, Daniel, est-ce que c'est si, par exemple, j'assiste à un cours, je paye 100$ pour le cours, j'ai bien aimé le cours, là, je me dis, j'aurais payé plus cher pour ce cours-là. Est-ce que c'est un exemple d'appréciation? Oui, tu apprécies. C'est-à-dire que tu évalues. OK. Bon. Alors, puis même à l'école, on a de temps en temps encore, on va dire qu'on parle d'appréciation quand on parle d'une note scolaire. Bon. Alors, il y a une évaluation dans le terme appréciation et le fait de donner une valeur va vous permettre de conscientiser, donc de prendre conscience d'une forme de réalité qui concerne votre vie. Par exemple, vous regardez le conjoint ou la conjointe avec qui vous vivez. Êtes-vous capable de l'apprécier? Ça veut dire, êtes-vous capable d'établir une valeur pour pouvoir utiliser cette perception de la valeur pour pouvoir continuer à vivre? Alors, si on dit, bon, mon conjoint, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, je l'apprécie à 7. Bon, quand tu vis avec lui, est-ce que tu gueules comme s'il valait 2? Ou si tu es capable de communiquer avec lui comme s'il valait 7? Bon, vos qualités, votre pertinence de vie, êtes-vous capable de l'apprécier? Êtes-vous capable de vous apprécier? Bon, même chose, la conférence, êtes-vous capable de l'apprécier? Et ce qui est important, ce n'est pas une valeur comparative, l'appréciation. L'appréciation, ce n'est pas de dire, écoute, tes notes scolaires sont pas bonnes parce que comparé à l'autre, vraiment, tu coules. Ce n'est pas une appréciation, ça, c'est une comparaison. Mais je vais apprécier en disant, tes notes scolaires, c'est pas mal bon parce que j'apprécie, c'est-à-dire que si je vérifie, si je regarde l'effort que tu as fait, je regarde le travail, les possibilités que la personne avait, etc., je vais apprécier et là, je vais donner une note motivatrice et non pas une note de comparaison. Alors, c'est la même chose au niveau de l'être humain. Êtes-vous capable de vous apprécier? Hier, je donnais une conférence à Magog et à des parents et je leur posais une question. Moi, si j'adopte un enfant que je ne connais pas et il est mal pris, il n'a pas de parents et puis bon, finalement, l'enfant fait une fugue, il se ramasse chez moi et là, il décide qu'il veut rester chez moi parce qu'il tombe en amour avec moi. Puis là, le service social me demande si je ne pourrais pas le garder 3, 4, 5 mois parce que là, il ne sait pas quoi faire avec lui. Puis là, il finit par parler de moi. Bon, je dis oui. Et finalement, ben là, je lui achète du linge, je lui organise une chambre dans ma maison, je débourse de l'argent, je m'occupe de lui. Je suis un maudit bon gars. Le parent qui fait la même chose toute sa vie. Ça, pas rien là. Il est bien mieux de faire ça, le parent. Parce que le parent, si un jour il ne fait pas, il n'est vraiment pas correct. Alors que moi, je suis le héros. Alors, si on regarde, l'appréciation est totalement... C'est vrai que je suis un bon gars, mais tous ceux qui le font régulièrement sont du bon monde. Donc, l'appréciation manquait complètement. Quand je parle d'apprécier, ça se développe la qualité d'appréciation. Pour améliorer la qualité de sa vie, pour être minimum, un des points de recette, c'est de commencer par être capable d'apprécier. Ça veut dire, bon, êtes-vous capable d'apprécier à sa juste valeur l'emploi que vous avez? Pas en comparant le fait qu'il y en a plein qui sont chômeurs. Non. Mais d'être capable d'apprécier ce que ça vous rapporte. Si vous appréciez votre emploi, pour plusieurs, vous allez commencer à aimer votre emploi. Si vous n'appréciez pas, vous devriez changer. Mais les gens, bon, vous n'êtes pas capable d'apprécier votre conjoint, changer. Si vous êtes capable d'apprécier, vous allez commencer à aimer. Et vous dites, oui, mais je l'aime déjà. Non, vous allez l'aimer. Vous allez aimer ça, l'aimer, en tout cas. Bon. Si on est capable d'apprécier les choses, on est capable de placer une valeur qui part de nous et on se rapproche beaucoup plus, finalement, de la connaissance réelle de nos besoins parce qu'en appréciant les choses, bon. Mais au niveau du travail, là, moi, j'ai l'impression que les gens vont avoir de la misère à apprécier leur travail parce que la plupart des gens ne font pas ce qu'ils aiment. Fait que ça peut être oui, à cause du besoin qui n'est pas comblé. Là. Oui, mais faire ce que tu aimes, est-ce que c'est aussi en fonction d'un désir? Moi, à un moment donné, je travaillais... Oui, mais pas nécessairement. Voilà. Mais si j'apprécie mon travail, donc ça veut dire que je regarde ce que ça me rapporte. Hein? J'étudie un peu les choses et je m'arrange pour voir ce que je peux retirer du travail. Les gens souvent marchent avec le manque à gagner, pas avec ce qu'ils perdent, avec le manque à gagner. Par exemple, au travail, on ne vous rend pas malheureux, mais parce qu'on ne vous rend pas heureux, ben, on déteste le travail. Ben, manque à gagner. Par exemple, on ne vous ôte pas d'argent au travail, mais parce qu'on devrait vous payer plus, donc le manque à gagner, on va être en grosse colère. Souvent, l'humain, dans son appréciation de la vie, marche avec le manque à gagner. Mm. Bon, moi, je gagne 50 000, je suis content. Non, j'ai vu une personne, la roue de fortune. Bon, alors la personne, elle vient là, tu es contente, tu es un petit fringant, j'espère que la personne n'est pas ici ce soir. alors, elle tourne la roue, gagne 5 000, elle a une étoile. Elle tire encore. Elle tourne encore la roue, un autre 5 000, une autre étoile. Elle parle 10 000. Tourne encore la roue, un autre 5 000, une autre étoile. Tourne encore la roue, un 10 000, une autre étoile. C'est bien, tu dis, hein? Tourne encore la roue, un 5 000, plus d'étoiles. 25 000. Es-tu content? Es-tu content? L'autre épais ou épaisse à côté, il vient tourner la roue à son tour. Il tourne la roue, puis 100 000. C'est fâché, il n'y a pas d'étoiles, non? Non, 100 000. Là, on remet les chèques. 100 000. On remet les chèques 25 000 à l'autre qui est là, avec une face, là. Rien que 25 000. Oui, elle s'est fait fourrer en tête par nous. Ouais. Elle fonctionne avec le manque à gagner. Quand elle est rentrée, elle n'avait rien. Oui, là, elle a 25 000. Elle était contente. Mm. Mais il a fallu que Dieu fasse gagner 5 000 à l'autre. Pas 100 000. Et ça, c'est le manque à gagner. L'humain fonctionne à peu près toujours avec le manque à gagner. Pour lui, pas avec le besoin. Au départ, elle n'a rien, sinon elle a 25 000. Elle est peut-être plus malheureuse en sortant qu'avant d'entrer. Et si l'autre avait gagné 5 000, elle serait 5 fois plus heureuse. Parce qu'elle fonctionne avec le manque à gagner. Et c'est d'ailleurs l'idée même de la loterie. Vous tournez la grande roue, puis il y a 250 000 qui se promènent là-dedans. Alors, plus on gagne haut, plus on est content. Pourquoi? Parce qu'on diminue le manque à gagner. Si vous tournez la roue à la roue de fortune, puis vous gagnez 250 000, c'est le maximum, vous allez être heureux. Si on vient foutre une petite ligne, 1 million, puis vous gagnez 250 000, c'est fou encore une fois. Parce que 1 million, vous auriez dû gagner. Alors, l'humain marche avec le manque à gagner. Mais ça, c'est des désirs, ça. Là. Mais le manque à gagner, c'est ce qui crée le désir et c'est ce qui entretient le désir. Mais c'est pourquoi on doit être capable d'apprécier sa vie. Moi, j'ai, par exemple, bon, une automobile qui me plaît. Mais quand je l'ai achetée, il fallait que j'achète l'automobile qui m'allait. Alors, j'étais voir ce modèle-là. Bon. Et puis, c'est à une époque, puis il n'y avait aucun modèle qui me plaisait. Et je n'achetais pas. Bon, je gardais mon automobile qui me gardait aussi. Donc, on se gardait, ça allait bien. Et jusqu'à un moment donné où je vois un modèle qui me plaît parce qu'ils ont changé, ils sont modernisés. Et là, je leur dis, moi, il faut que ce soit noir ou gris foncé avec l'intérieur noir. C'est ce qui me plairait. Là, ils nous disent, ah, ça c'est rare. Parce que l'extérieur noir ou gris foncé, l'intérieur est toujours gris pâle. Ben, je dis, écoutez, moi, c'est comme ça. Et puis finalement, venant d'Allemagne sur un bateau, il y en avait une. Bon, elle avait été achetée par quelqu'un à Calgary, elle s'en allait à Halifax, puis l'autre là-bas, ben, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il a annulé la commande, donc finalement, ça en est pour moi. Bon. C'est un besoin. Jamais c'était un désir. Je ne comblais pas un manque à gagner. Si vous n'avez pas ce que j'ai besoin, je ne prends pas. Puis là, les vendeurs essayent de te vendre. Rien à faire. Rien à faire. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais il y en a eu. Est-ce que dans le besoin, le goût peut intervenir? Le goût, par exemple, fait partie de nos capacités à étudier, à communiquer avec le monde. Capacité à évaluer aussi ce qui te va. Moi, je regarde et j'aime. Ça me va. Bon, alors, automatiquement, c'est correct. Sauf que si je veux avoir avant, c'est évident qu'à un moment donné, vous allez avoir chez vous de l'information vous disant, ben là, écoute, il faudrait bien que tu t'achètes de nouveaux souliers. Ou il faudrait bien que je change un peu ma garde-robe. Ou il faudrait bien que je change d'emploi. Ou il faudrait bien que, etc. On déménage-tu, on change de maison. C'est correct. Et là, vous commencez à magasiner. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'établir sur sa carte nos désirs. Parce que là, on n'améliorera pas sa qualité de vie. Peut-être qu'on n'aura pas la maison qu'on veut. Peut-être qu'on va la payer trop cher. On va sans arrêt s'endetter puis travailler. On ne pourra pas en profiter. Donc, on doit maintenant établir ses besoins. Les besoins fondamentaux. Ça veut dire, moi, j'ai besoin chez moi, quand je marche, d'un peu plus grand. Fait, on va déménager, mais il faudrait. C'est sûr que si vous êtes en faillite et qu'il n'y a plus d'argent, etc., ben, la planète vous sert mal. Et là, il y a des stratégies pour parvenir à contrer ça, qui prennent un laps de temps. Mais sinon, on doit y aller en fonction de nos besoins. Vous avez deux enfants, ils couchent dans la même chambre. Ils ont besoin chacun d'un espace vital. Donc, vous avez besoin d'avoir une maison qui comporte deux chambres pour les enfants. C'est un exemple. Et là, j'établis mes besoins. Ensuite, je vais visiter. Bon, c'est évident qu'en visitant, il y a des maisons qui vont nous épater. Ça ne veut pas dire que ces maisons-là comblent nos besoins, peuvent combler nos désirs. Et là, il ne faut pas fonctionner en essayant d'éliminer le manque à gagner, comme à la loterie. Je vais prendre ce qui est le plus gros pour être sûr que je n'aurai pas un trop gros manque à gagner après. On fonctionne en mode de désir. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier ça, qu'on ne va pas surcombler notre besoin? Oui. Présentement, dans la conférence, j'explique surtout la mécanique de comment on peut améliorer sa qualité de vie et qu'est-ce que c'est qu'une qualité de vie et à quoi ça sert une qualité de vie. Ça sert à être soi-même, à pouvoir exprimer, à faire ce qu'on a à faire. Et les questions que tu amènes sont de bonnes questions aussi, mais qui demandent trop d'élaboration. Il y a des façons, effectivement, de pouvoir établir, mais ça demande une restructuration chez l'égo logique humain. Ça demande une meilleure appréciation, au minimum un entraînement à être capable d'apprécier. Quand on dit « appréciez donc ce que vous avez », il faut faire attention. Ça ne doit pas vouloir dire « arrangez-vous donc pour aimer ce que vous avez ». Non, ça veut dire « appréciez donc ce que vous avez ». Ensuite, vous saurez que ça, c'est parfait, puis que ça, c'est pas ça du tout, et que ça, ben, c'est pas tout à fait parfait. Appréciez. Moi, je vais vous dire aux parents « appréciez vos enfants ». Apprécier vos enfants, c'est être capable de reconnaître et de reconnaître, pas d'admettre, de reconnaître, de voir la valeur. Vos enfants, appréciez donc vos parents. Même chose, être capable de reconnaître la valeur. Alors, premièrement, être capable d'apprécier les choses qu'on a dans sa vie, ça va déjà améliorer sa qualité de vie. Pourquoi? Parce qu'on va déjà se centrer sur quelque chose qui est beaucoup plus ajusté à notre réalité. Ensuite, la personne doit être capable de... Elle doit être capable, elle doit connaître beaucoup plus les mécaniques qui sous-tendent sa gestion de sa personnalité. Comme par exemple, l'être humain est totalement manipulé par sa pensée. Donc, et l'être humain peut parler dans sa tête et l'être humain peut penser dans sa tête. Deux choses. L'être humain est manipulé par sa pensée. Donc, ça pense dans sa tête, etc. C'est ce qui le collectivise, ce qui l'amène à faire des choses, à avoir des désirs qui finalement qui ne sont pas les siens. Hein? Le voisin plante un arbre, bien là, vous avez planté un arbre. Le voisin plante deux, vous avez planté un deuxième. Ma mère, elle a fait ça, puis tout le quartier, mais chez nous, il faut dire, quand j'étais jeune, toute la rue était comme ça. Et à chaque année, on gagnait toujours la plus belle rue, on gagnait toujours le concours la plus belle rue, avec le plus d'arbres. À Noël, on gagnait aussi, c'est à Montréal-Nord, le concours de la rue la mieux décorée. Mais c'est sûr, parce que ma mère, elle mettait une couronne, le voisin mettait deux couronnes, l'autre en mettait quatre, ma mère en rajoutait cinq. Fait qu'on gagnait toujours les concours. Mais c'était une question de désir. Jamais, c'était la plus belle rue. Dans les cours en arrière, c'était vraiment, vraiment grandiose. Mais la qualité de vie de ces citoyens-là n'était pas améliorée. Mais ce que tu dis là, c'est intéressant, parce que le fait de... Oui, je le pense vraiment. C'est que on a peut-être déjà une qualité de vie plus grande qu'on le réalise, c'est-à-dire qu'on l'apprécie, parce que justement, on n'apprécie pas tout le temps tout ce qu'il y a déjà à notre portée, ou tout ce qui est combien déjà là. Combien de temps par jour qu'on se tape-tu que tu travailles à apprécier ta femme, tes enfants, ton travail, la liberté que tu as un peu. Moi, je revenais de ma gogue hier, puis j'en parle encore avec ma femme, on est assis. On va à 100 km à l'heure, on écoute de la musique, on n'a pas froid, on n'a pas de vent dans le visage, on est assis, on s'en va. 100 km à l'heure, ma gogue Montréal. C'est phénoménal. C'est évident que moi, c'est un transport instantané qu'il faut, c'est bien clair. Sauf que présentement, déjà là, tout ça, ça vient des mines. Hein? Ça vient du pétrole, ça vient des mines de fer, c'est de la roche. Il y a de l'électricité là-dedans. L'électricité, ça n'existe même pas. C'est... Bon, puis on s'en va. 100 km à l'heure, oui, on s'en va aussi. Il faut apprécier. Je vais te passer mon auto. Et là, automatiquement, comment? Tu vas te passer mon auto. Non, ton auto, elle est adaptée à toi. Merci. Ah oui? Mais il faut dire que mon besoin n'est pas comblé dans ce domaine. Non, ben, parce que trop longtemps, c'était à la recherche de comblage de désir. Puis lentement, quand tu vas vouloir combler les besoins, les choses se placent tout seules. Et ça se place tout seul. Ça, ça veut dire que pour être capable d'apprécier, il faut que... Ça me fait penser, c'est un PMC+, tu as déjà fait, sur le, la nourriture des différents corps. C'est-à-dire que pour être capable d'apprécier et d'améliorer sa qualité de vie, il faut que les quatre corps soient nourris. Nourris ou centrés, c'est la même chose? En nourrissant tous les sens. Ça veut dire le corps vital, le corps physique, le corps mental puis le corps astral. Ben, c'est essentiel. Si vous avez faim, ben, c'est bien beau d'avoir votre micro-ordinateur, mais vous allez avoir un problème. Mais si vous avez bien mangé, puis vous êtes prêt à travailler, puis vous avez rien de travailler, ben, c'est le même problème. C'est important de comprendre que votre vie est autre chose qu'une présence biologique sur la planète. Donc, nos besoins ne sont pas des besoins physiques. Nos besoins fondamentaux sont les besoins qu'on a pour pouvoir être là. Par exemple, Mère Teresa, un de ses besoins fondamentaux, c'est la pauvreté des autres. Elle a besoin d'un peuple pauvre et affamé pour pouvoir combler ses besoins. Et elle ne crée pas ça. Mais elle doit maintenant donc déambuler sur la planète pour rejoindre un endroit qui va être capable de combler ses besoins. De ce fait, malgré certaines faiblesses qu'elle a au niveau physique, malgré son âge, elle est capable de vivre. Et elle ne survit pas. Et elle est heureuse. Mais je ne dis pas qu'elle profite de la pauvreté. Moi, pour être bien, par exemple, j'ai besoin d'être entouré de certains types de personnes. Je ne profite pas d'eux. Et eux, ils ont besoin de moi. Comme les gens là-bas ont besoin de Mère Teresa. Ils ont besoin de sauveurs. Ils ont besoin de bonnes personnes pour venir leur dire, leur répéter finalement, parce que bon, on leur redit assez souvent, quoi faire pour s'en sortir. Et quand, par contre, si Mère Teresa veut faire ça ici, ça ne fonctionne pas. Et chaque être humain doit être capable de comprendre, donc d'apprécier au départ ce qu'il a, et d'être capable de connaître suffisamment les fondements même de ce qui constitue sa personne. Et ça, j'en ai parlé à travers les milliers de conférences que j'ai faites. Vous êtes, ben, à travers les séminaires, à travers bon, ben, les livres que j'ai écrits, vous êtes une chose qui, à l'intérieur de vous, combattez sans arrêt contre le reste. Et c'est important que l'être humain finisse par comprendre les mécaniques qui sous-tendent sa réalité. Et si, par exemple, à un moment donné, vous vous inventez vos propres concepts psychologiques qui expliquent votre vie, vous êtes dans la réalité. Vous n'avez pas besoin d'aller lire les concepts psychologiques qui expliquent la réalité de la masse. Si, pour une personne, elle se dit, moi, de temps en temps, j'ai des problèmes dans telle circonstance parce que je suis la réincarnation de telle personne qui a vécu dans telle époque, et qui, etc., etc. Donc, si j'essaye de comprendre l'autre personne pour me dire que quand je vis ça, il faudrait que j'essaye d'être l'autre que je sois moi-même, bien, ça va fonctionner. Moi, je me fous de savoir si vous êtes la réincarnation ou non, si la réincarnation existe ou pas. Je m'en fous. Sinon, on va vous faire une analyse psychiatrique, une analyse, une psychanalyse, mais on va aller avec des trucs similaires. On va dire à un moment donné à un homme, vous avez une frustration sexuelle qui date du fait qu'un jour, vous avez rencontré un chat quand vous étiez bébé, qui, bon, ça l'aide, tant mieux. Ça le perturbe. C'était pas correct. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Et c'est le résultat qui m'importe. Ou si c'est d'avoir raison. Ou si c'est d'être reconnu par l'ensemble de mes concitoyens. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Une personne va aller prier et elle va avoir le résultat. Je n'ai pas besoin de me demander si sa religion est vraie. J'ai besoin simplement, moi, de travailler en fonction de choses qui vont m'amener des résultats. Et chaque être humain étant dans sa réalité, chaque être humain va donc devoir procéder par des mécaniques qui vont être des fois très semblables, mais très souvent vont être totalement différentes. Apprécier sa vie, ça veut déjà dire être capable d'apprécier ce que nous avons. Apprécier en ce sens, évaluer la valeur de. Ensuite, on va commencer immédiatement, si on est capable d'apprécier, on va être capable de voir déjà les choses à changer. apprécier ma santé physique, puis je me dis, oui, mais c'est pas tout à fait... Bon, vous avez déjà une chose à améliorer. Améliorer sa qualité de vie, c'est pas un désir. Parce que par appréciation, vous constatez un manque. Maintenant, vous allez apprécier la relation humaine que la relation que vous avez avec d'autres. Et vous dites, avec telle personne, ça pourrait être beaucoup mieux. Je serais plus heureux, ça serait mieux. Si on pouvait, faut se voir plus fréquemment, ou se dire les choses qu'on sait, mais qu'on ne dit jamais. Il y a un besoin. Là, c'est un besoin émotif, un besoin à combler. Et là, vous allez devoir travailler pour le combler. Mais c'est là que vous allez devoir lutter un peu. Parce qu'on est sur une planète où on doit lutter. Puis ce n'est pas une loi cosmique, là. C'est une constatation qui peut être étendue par d'autres mécaniques qu'on ne connaît pas. Mais une chose est certaine présentement, c'est que c'est facile de constater que chaque fois que vous allez vouloir améliorer votre qualité de vie, vous allez devoir mettre des efforts. Et chaque fois que vous allez vouloir altérer votre qualité de vie, pas de problème sexuel. Aucun problème. Alors donc, l'être humain doit être suffisamment conscient et connaisseur des mécaniques parce que pour améliorer sa qualité de vie, vous devez vous prendre en main. Et c'est essentiel. Sans ça, vous n'améliorerez pas votre qualité de vie. Ça veut dire, connaissant ça, il faut s'attendre à ce que quand tu veux améliorer quelque chose chez toi ou dans ta vie, il va falloir que tu travailles pour y arriver. Ça ne se fera pas tout seul. Que tu travailles, c'est-à-dire que tu fasses que tu poses les actions qui sont nécessaires. Mais il va y avoir une résistance, il faut savoir ça. Ça, c'est officiel. Et c'est officiel, vous allez perturber votre intérieur ou bien vous allez perturber l'intérieur des autres. Mais c'est officiel. À un moment donné, pour améliorer votre qualité de vie, donc pour être centré, pour être vous-même, vous appliquez certaines actions et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, vous allez faire construire une serre devant votre salon. Puis là, les voisins commencent à parler. C'est ça. Il n'y a rien à faire. Chaque fois que l'être humain attend à améliorer ou améliore, ça crée des problèmes. Si vous démolissez, ça peut aller. Puis ça, c'est une constatation planétaire. Si moi, je vous dis, par exemple, une question comme ça, est-ce que c'est bien qu'on laisse la drogue se vendre librement dans les écoles secondaires? On va dire non. Dernièrement, il y a des policiers qui ont envoyé un agent double, une jeune policière, dans une école secondaire. Elle est restée là quelques mois et elle a attrapé une quinzaine de vendeurs de drogue. Eh bien, il y a eu un tollé de protestations à la radio, dans le public, parce que c'est absolument inadmissible que la police utilise ce genre de choses pour traquer nos enfants. C'est ça. Si on traque la drogue dans les écoles, c'est pas correct. Que la drogue se vende, ça, personne n'en parle. Et les gens vont dire, non, c'est pas correct que la drogue se vende. Mais qu'on pogne les vendeurs comme ça. Et non, si on faisait ça souvent, améliorer effectivement sa crise. Et la compétition. Pour l'instant, on va aller s'améliorer en prenant une pause. J'ai quelques annonces à vous faire. Le 22 novembre, comme vous savez, l'Académie PMC offre différents cours. Alors, il y a des calendriers qui sont accessibles à la sortie. Il y a certaines choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Le 22 novembre, Introduction à la cosmogonie. Ce cours est ouvert à tous et est très accessible. C'est-à-dire au niveau du vocabulaire, au niveau de l'information qui est donnée, c'est accessible facilement. Le 24 novembre, c'est Ajustement de la pensée 1. 26 novembre, Comment parvenir au bonheur par la richesse. On va en parler un peu plus dans la deuxième partie, dans la deuxième conférence. Vous voyez aussi pour les notes, pour les dates, vous avez ça dans notre calendrier. Et Daniel parlait tantôt des différents livres qu'il a écrits. Il y a un dernier, qui ça fait environ un mois, qui est sorti, sur l'adolescence. C'est aider son enfant à vivre une adolescence douce. C'est disponible ce soir. Et avant de vous laisser partir pour la pause, vous avez gardé vos coupons. On fait tirer les cassettes pour les conférences de ce soir. Dans le numéro 422...